merci. Soyez tous salués et soyez tous bénis. Je vais me pardonner pour le petit retard. En effet, comme vous l'avez constaté tout à l'heure, je tente de conduire, donc je partais aller déposer quelqu'un à l'école et ensuite m'occuper de ma chienne. Tout ça, c'est de la gymnastique, c'est l'Amérique. Donc, je vous remercie d'être tous là, d'être venus. Nous allons donc, je vous accorde encore 3 minutes, le temps de permettre le générique. Ici, soyez tous bénis. Ce que je vais venir partager avec vous, c'est des connaissances que j'ai expérimentées. C'est des connaissances, certes, certaines partent de mes propres recherches, partent de mes initiations spirituelles, partent de mon expérience, de mon appartenance dans diverses religions et mes expériences de la vie que j'ai affrontées pas mal. J'ai affronté la mort. Nous allons passer donc au peigne fin, tout ceci. Mais la grande thématique du jour, Dieu est-il un assassin? Est-ce que Dieu est réellement derrière notre mort? Parce que je vous le répète, il y en a marre d'entendre les gens accuser que Dieu, c'est la volonté de Dieu. Que c'est la volonté de Dieu. Alors, je vous prie, ceux qui sont ici, d'inviter. Inviter. Merci beaucoup. L'être suprême, celui qui nous a créés. Il nous a créés en vue de pouvoir le refléter. Il nous a créés en vue de pouvoir apprécier la vie. Il nous a créés pour que nous puissions vivre éternellement, mais par des cycles incarnatoires, suite à certaines choses que lui, bien sûr, a su plus tard qu'il y a quelque chose qui ne va pas. Mais comme c'est, je ne pourrais pas dire un Dieu, mais parlons comme les religieux parlent, mais comme c'est un Dieu qui est fidèle à sa parole, qui a dit que je vous ai créé non pas pour mourir, mais je vous ai créé pour un plan de bonheur, pour un plan de vie éternelle. La vie de l'éternité, l'éternité dans la vie de l'homme, mais ça se voit tous les jours. Lorsqu'on tombe malade, qui aimerait tomber malade? Les gens paniquent. Hein, moindre petit bobo, ça panique, mais parce que nous avons en nous cette notion de vivre éternellement. Nous avons cette notion de vouloir apprécier la vie. Donc, le Dieu qu'on dit tant et qu'on prêche tant dans toutes les religions du monde, qu'il est amour, arrêtons-nous sur le mot amour, sur le fait qu'on dise dans toutes les religions du monde que Dieu est amour, pensez-vous que ce Dieu d'amour-là va être content que quelqu'un meure? Sérieusement. Pensez-vous que si ce Dieu nous aime, il va nous tuer? Même, je vous l'ai dit tout à l'heure sur ma page Facebook, qu'il y a des gens que vous connaissiez et que vous connaissez même jusqu'à présent, qui brille que par le mal, qui brille que par des actes ignobles, qui brille que par le fait qu'ils jouissent de plaisir de voir les autres souffrir. Mais il y a des mecs comme ça, mais ils vivent longtemps. Comment expliquer cela? Le même Dieu tolère que des hommes. Pardonnez-moi, il y a un mot qui allait se lâcher, mais heureusement, l'Esprit de Dieu est là. Ces mêmes mecs-là, qui sont heureux, qui jouissent de plaisir de voir les autres mourir, qui jouissent de plaisir de voir les autres croupir dans la misère, de voir les autres souffrir, bien sûr, cette partie, c'est la deuxième partie. Quelle est notre responsabilité? Donc, ce n'est pas... C'est une question fondamentale, comme j'ai vu quelqu'un qui vient de dire, oui, c'est un sujet très important. Mais si c'est un sujet important, je vous prie d'inviter le maximum de personnes. Je vous donne le point de vue de d'un ancien pasteur, d'un ancien témoin de Jéhovah qui a étudié la Bible, d'un musulman qui a étudié le Coran, qui a étudié le sophisme, qui a fait l'expérience du vis-à-vis, du face-à-face avec Dieu. Que cela paraisse folie pour certains, veuillez me pardonner. Mais vous êtes ici présent parce que vous voulez un peu écouter mon expérience et mon histoire. Mais pour ceux qui me connaissent, ils savent qui je suis déjà. Enfin, ils ne savent peut-être pas qui je suis, mais ils savent un peu les péripéties que j'ai en aimant ma vie en tant qu'humain sur Terre. Ils connaissent un peu mon histoire. Hein? En presque 60 ans presque d'existence ici-bas. Ils connaissent. Mais ce n'est pas ça qui importe peu. Ce qui importe peu, la question fondamentale, est-ce que Dieu est derrière notre monde? Le même Dieu qu'on nous dit, il est amour. Le même Dieu qui nous donne le souffle de vie gratuitement. Le même Dieu qui permet le méchant de continuer à faire le mal. Bien sûr, il le permet, puisqu'il donne l'eau, il donne la pluie. La pluie tombe. Il ne choisit pas que non. Oh non, non, non, non, attention, le type là, il massacre les gens, c'est un voyou, c'est un tueur. Non, non, non, non, non, ne me fais pas tomber la pluie sur lui. Même, fais-moi tomber la pluie sur seulement le prêtre ou bien sur le pasteur là, qui respecte ma parole. Ce Dieu-là ne le fait pas, il fait tomber la pluie sur tout le monde. Il donne le bonheur à tout le monde. Voyez-vous? Mais comment expliquer la mort? D'abord, j'ai déjà donné des enseignements sur la mort. C'est l'une des premières vidéos qui m'a apporté beaucoup de succès. Sous deux chapitres, première partie et deuxième partie. Je ne vais plus revenir là, mais je vais toujours rappeler cette notion de la mort. La mort est une transition. La mort, c'est le mouvement obligatoire du retour vers la terre. Ça, c'est, souvenez-vous, sur la magie du chapeau noir. Souvenez-vous, la magie du chapeau noir, lorsque vous devez aller récupérer votre chapeau noir au cimetière, auprès du chef de cimetière, ce n'est pas un humain, mais c'est un esprit. Et j'explique le code. Et le fameux code devant l'entrée du cimetière, c'est quoi? C'est le mot mort. C'est le mot de passe. Comme vous avez l'ordinateur, vous tapez un mot de passe. Donc, le mot mort, mouvement obligatoire du retour vers la terre, c'est ça le mot de passe que vous allez taper pour pouvoir entrer dans le monde des morts et vous retrouver là-bas en esprit. Voyez-vous? Donc, la mort, si c'est déjà dans cette définition mystique, mouvement obligatoire du retour vers la terre, c'est-à-dire, c'est conforme à la Bible. C'est conforme au Coran, c'est conforme au livre saint de la plupart des religions. Poussière, tu es poussière parce que tu as été tiré de la terre. Donc ce corps matériel retourne vers la terre. Mais le corps spirituel, lui, il va de mutation en mutation. Donc il se désincarne. Alors je vous ai donné un enseignement sur l'incarnation, la désincarnation et la réincarnation. Donc, les phénomènes d'incarnation sous trois phases. Et qui peut s'incarner? C'est uniquement vous en tant qu'esprit, c'est-à-dire en tant qu'âme. Dieu, après avoir créé l'homme à son image, il insuffla dans les narines de l'homme le souffle de vie. Ce sont les mêmes paroles qui sont répétées dans le Al-Baqara, dans les livres saints musulmans, dans la Bible, le livre de Genèse, en parle. Donc, il souffle ce souffle de vie. Et il dit quoi à l'homme? Soyez bénis. Mais quand il dit « soyez bénis », il lui ajoute encore autre chose. Et Dieu donna toute autorité. Il lui donna tout pouvoir. Afin qu'il soit maître des univers, diront le livre des Juifs. Dans la Bible, on ne rentre pas dans « afin d'être maître des univers ». Mais dans la Bible, on dit tout simplement que « et Dieu donna toute autorité et tout pouvoir à l'homme ». Et Le mot d'ailleurs qui est utilisé par Louis Segond dans la version de Louis Segond et la version des Témoins de Jéhovah et la version de la Bible rouge que j'ai, la Bible de Jérusalem, cette version dit: et Dieu donna toute domination à l'homme. Mais quand Dieu donne toute domination, ça veut dire que l'homme doit être capable de dominer, de maîtriser et de dominer les quatre éléments. C'est-à-dire, l'homme devait être le maître et dominer l'eau, dominer l'air, dominer la terre et le feu. Et vous retrouverez ces quatre éléments dans notre vie de tous les jours. Vous retrouverez ces quatre éléments même dans les religions et dans nos sociétés secrètes, dans nos traditions. On travaille toujours avec ces quatre éléments-là. Donc, la domination fut donnée à l'homme. Mais dans cette domination qui fut donnée à l'homme, quand vous voyez les quatre éléments, eh bien, la mort, dans certains rites anciens, même dans les documents de l'Égypte antique, même dans la Bible, et lorsque j'ai été initié dans les rites d'Isis et d'Osiris, on nous parle d'un rite très important que vous devez faire. Moi, je le fais tous les jours. Le rite s'appelle le rite de préparation à la mort afin de ne pas avoir de difficultés lorsque vous allez quitter la matière. Car le phénomène de quitter la matière s'appelle le phénomène de séparation corps-objet. Ça a été prévu comme ça par le Créateur. Que le moment venu, lorsque vous décidez, voilà pourquoi il y a des gens avant de mourir, parlent. Je citerai entre autres un ancien président africain que vous connaissez, qui, sentant sa mort prochaine, commençait à parler certaines choses. Il commençait à dire: Dieu ne nous a pas donné ce pays-là, de faire de ce pays ceci, cela. Mais parce qu'il sentait qu'il partait. Ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'on est en fait maître de notre destin, on sait. Donc, juste des informations gratuites. Ce même Dieu, lorsqu'il nous crée, il met devant nous la vie et la mort. C'est normal, parce que la vie est une dualité. Mais ce cycle-là qu'il met devant nous, de décider de ce qui est bon et de ce qui est mauvais, donc il nous donne le libre arbitre de choisir soit de faire le mal ou le bien. Ça, là, ne me posez pas de questions. Allez-y poser les questions à Teta Nzambe, Teta Mwanga. Mais il nous dit: je préfère que vous choisissiez de faire le bien. Mais cela ne veut pas dire que vous devez être des lâches et accepter le mal. Maintenant, la mort vient où? La mort est venue, je l'ai expliqué dans les deux autres vidéos, je peux répéter ça. Maintenant, là, c'est une nouvelle version que je vais vous donner. Une nouvelle, je vais ajouter des éclaircissements. La mort intervient du fait que il est tout à fait normal qu'après un certain temps, puisque poussière, vous êtes poussière, le corps matériel doit retourner à la terre. Mais c'est après que vous puissiez, c'est après que vous ayez, ou bien que vous eussiez, ou bien, je cherche le mot en français, ça me vient seulement en anglais, en espagnol, je ne sais pas. Que vous vous... Le verbe, c'est être rassasié. C'est-à-dire, une fois vous êtes rassasié de votre vie, quand vous avez bien apprécié la vie, en ce moment, il est tout à fait normal que vous vous désintégriez. Et là, je sais qu'il y a des gens qui vont me poser des questions, mais comment expliquer la mort des bébés? J'ai déjà répondu à ces questions-là, mais je suis préparé. Mort des bébés, les gens qui meurent à n'importe quel âge, ça, en tant qu'initié, on a des réponses à ces questions. Mais dans la voie normale, dans le cycle normal que Teta Mwanga a posé, normalement, vous devez jouir de votre vie, car il vous a créé pour que vous puissiez vivre aussi longtemps que possible, jusqu'à ce que la matière se fatigue, afin de libérer l'âme. Parce que vous êtes un être immortel, mais que vous veniez sur cette terre pour apprendre. La planète Terre est une école, et il y a beaucoup de potentialités, il y a beaucoup de connaissances qui sont là, à votre portée, mais sauf que, à cause de l'orgueil, on a tendance à se faire les guerres entre nous. Vous pouvez commencer par la religion, que je respecte. Le frère est chrétien, vous le critiquez, vous dites que c'est un canard boiteux. Le frère est musulman, vous dites non, c'est un assassin. Le frère bouge ses fesses dans son boîtier, vous dites non, il est diabolique. Ça, ce n'est pas la bonne manière d'évoluer sur cette terre. Car tout cela fait partie de l'école de la vie. Donc, Teta Mwanga nous envoie ici pour apprendre. C'est une école. Maintenant, quand le temps et l'heure a sonné, ce n'est pas Dieu. Contrairement à ce qu'on vous a dit, que non, quand l'heure a sonné, maintenant Dieu décide. Non! Dieu vous a envoyé pour vivre. Vous avez une mission. Premièrement, nous avons une mission. Et comment peut-on dominer la planète et a accompli cette mission-là. Quand je parle de mission, ce n'est pas la mission d'aller mater les gens. Ce n'est pas la mission d'aller tuer les gens n'importe comment. Non, la mission, c'est de faire passer les connaissances, d'édifier le peuple, de motiver, d'apprendre d'abord. Et que toute la planète Terre devenant une école, tout le monde devait graviter autour de ces grandes vertus-là que je cite tous les jours. Je ne me fatiguerai jamais de vous le dire, hein? L'amour. Mais cet amour, ce n'est pas un mot simplement de bouche comme ça, non. C'est un style de vie, comme on le fait dans le yoga. Un lifestyle, ça doit devenir un style de vie. Dans cet amour, on doit sentir qu'il n'y a pas l'hypocrisie. On doit sentir qu'il n'y a pas des animosités. On doit sentir qu'il n'y a pas l'esprit de bouder. C'est-à-dire que vous vivez vraiment dans la sagesse. La sagesse qui n'est autre que quoi? La mise en application des conseils que les vieux vous donnent. La mise en application des conseils qui viennent des sages. Des conseils qui viennent des initiés ou bien du prêtre ou du pasteur. C'est ça là, la sagesse. C'est mettre en application cela. Vous n'êtes pas obligé d'aller dans une église pour devenir un homme sage. Mais la preuve en est que ceux qui vont dans les églises, que mes frères me pardonnent, mais certains frères pasteurs, vous voyez ce qu'ils font? Ils touchent les parties privées des femmes. Ils sont impliqués dans des adultères. On les attrape dans des autres. Bref, vous avez toutes ces histoires-là. Donc, ne peut être sage que celui qui applique réellement les principes de Tetan Mwanga, qui sont immuables, sous couvert de divers moyens de transmission de connaissances. Soit par la sagesse ancestrale, donc la connaissance qui vient de nos ancêtres, nos grands-parents, moi j'ai bénéficié de cela, autour du feu, chaque soir, mes grands-parents me disaient, voilà, dans la vie, il faut éviter, il ne faut pas faire ceci. Vous lisez la Bible, mais ce n'est qu'une compilation de la même chose. Les 10 commandements. Les 10 commandements viennent d'où? Mais ça vient des 42 lois de maths. Mais les 42 lois de maths qu'on trouve dans l'Égypte antique, c'est quoi? Mais ce sont ces préceptes, ces principes immuables de Tetamwanga. Ce sont des ascèses. Ces ascèses-là, c'est des ensembles. C'est un ensemble de données, des connaissances qu'on vous transmet que dans la vie, il ne faut pas faire ceci, il ne faut pas faire cela. Il ne faut pas, par exemple, j'ai vu des gens bouder dans mes forums là-bas. Mais comment, on ne va plus faire l'amour la journée. Mais c'est comme ça, nos ancêtres ont laissé ces choses-là. Qu'il ne faut pas mettre la bouche là-bas. Que ce soit chez l'homme, que ce soit chez la femme, il ne faut pas faire ceci. Mais je sais que la jeunesse d'aujourd'hui, je vous dis, c'était vraiment chaud dans les forums. Oh, ya, yo, mais comment? Il a fallu que j'explique. Bref, tout cela fait partie des principes qui permettent à l'homme de vivre en harmonie et surtout d'être sage. La sagesse n'est pas synonyme de connaissances scolastiques. La sagesse n'est pas synonyme de crier comme des fous, Alléluia, à l'église, mais vous êtes le même en train d'être attrapé à commettre des adultères. La sagesse, ce n'est pas le fait que vous récitiez, comme on me l'a fait faire chez les témoins de Jéhovah. Je vous dis, toute la Bible est dans la tête. Mais entre-temps, est-ce que ça m'avait empêché de forniquer avec la sœur? Et c'est ce qui m'avait dit, c'est ce qui m'avait permis, et ça m'a poussé de dire, mais je suis un hypocrite. Parce que le prophète Esaïe dit que vous portez les ustensiles de Dieu. Vous êtes ceux-là qui sont prétendus être des saints, mais vous-même, vous ne montrez pas le bon exemple. J'ai dit ça à la sœur dit non, moi je ne vais pas aller parler aux anciens. Elle est restée. Moi, je dis non, je vais aller parler aux anciens de la congrégation des témoins de Jéhovah. Et c'est comme cela, j'ai déposé ma démission. J'ai dit, je ne peux pas être un hypocrite. Eux-mêmes, ils n'ont pas voulu me croire. Non, c'est faux, mon frère. C'est vrai, tu as forniqué avec la sœur. J'ai dit, mais c'est moi qui ai commis l'acte. Comment vous niez? Voyez-vous? Donc, la sagesse, ce n'est pas cela. La sagesse veut que vous reconnaissiez en vous l'erreur. Bref, Dieu, donc, a créé la mort, certes. Il a créé la vie. Mais dans la vie, il y a la mort et la vie. Oh, Tétamonga. Est-ce qu'on se comprend? Dieu a créé le cycle de la vie. Mais dans cette vie avec grand V, qui est un ensemble d'expériences énormes, de mutations, de génération en génération, de mutation en mutation, vous vous incarnez, vous vous désincarnez, vous vous réincarnez, ainsi de suite. Donc la mort rentre dans ce cadre-là. C'est dans ce cadre que le mot mort a son sens. Le mot mort, c'est vrai que scientifiquement on dit cessation, allez-y me voir ma vidéo. Mais attention, mais c'est aussi mutation, c'est aussi transition, c'est aussi partir d'un cycle à un autre. Mais ce cycle-là respecte certains principes. Lesquels principes? Maintenant, je vais passer à la deuxième question. Quelle est notre part de responsabilité? Parce que pour que quelqu'un vive longtemps, je vais vous prendre l'exemple de Monsieur Abraham. Monsieur Abraham, c'est à l'âge de 99 ans. Il est vieux, il est fatigué, il a fait sa vie multimilliardaire. À notre époque, on peut dire multimilliardaire, parce que si vous lisez le livre de Genèse, si vous lisez les livres même de la Torah, on nous dira que cet homme-là, et lui et son papa Tara, Eh bien, son arrière-grand-père et tous ces mecs-là, ils avaient des lingots d'or. Ils étaient très riches. C'est vrai qu'ils adoraient des faux dieux, diront. Ça, c'est la version de la Bible des chrétiens. Mais dans la version de la Torah, on nous dira qu'ils adoraient des divinités. Ils étaient loin du grand créateur, mais comme le grand créateur agit par pouvoir dérogatoire, Monsieur Abraham était un adorateur de multitude de dieux. Mais le type, à un âge avancé, on nous dit, c'est pas moi, c'est le livre de Genèse qui décrit tout cela. À partir du chapitre 9 jusqu'au chapitre 27, vous avez tous les épisodes de l'histoire de cet homme-là. Et dans le livre des Chroniques, on en parle d'Abraham. Dans le livre même de nos frères musulmans, je crois, il y a trois sourates. Mais la sourate où on parle beaucoup plus en profondeur, c'est la sourate de Al-Baqarah, c'est-à-dire la sourate de la vache. C'est là où on parle beaucoup de ce type, de Moïse, d'Abraham. À l'âge de 99 ans, disons, il était très fatigué. Mais Dieu apparaît. Vous connaissez l'histoire. Alors, Dieu apparaît, il lui dit certaines choses, et ça, c'est une histoire qui est vraie. Malheureusement, elle a été rattrapée, commentée, chacun interprété à sa façon. Mais l'histoire de dire que M. Abraham a vécu jusqu'à l'âge de 175 ans, c'est vrai. Ce n'est pas moi qui l'invente. Allez-y lire le livre de Genèse. Monsieur Abraham, 99, donc à l'âge de 100 ans, il va faire un enfant et il va faire un autre. Et ensuite, quand sa femme meurt, je crois à l'âge de 100, combien là, il va épouser l'autre. À l'âge de 110 ans, il va faire des enfants. À 120 ans, il va faire des enfants. 125, il va faire des enfants. Même ses derniers enfants qu'il a eus, c'est à l'âge de 165 ans. Ce n'est pas moi, ce sont les livres qui le disent. Les livres d'histoire, le livre des chroniques que je crois le plus, mais confirmé également dans le livre de la Genèse. Je ne le savais pas. Et dans Genèse, il précise bien que et Abraham mourut à l'âge de 175 ans. Donc, quand il était fatigué, mais on nous dit, ses yeux, il ne portait pas de lunettes. Et c'était le moment. Car il savait que c'était l'heure. L'heure avait sonné pour lui de partir. Dans ce contexte-là, est-ce que Dieu, à 99 ans, Abraham, lui, pour lui, ben, il s'est dit, écoutez, moi, j'ai les os maintenant, les os, là-bas, petit papa ne fonctionne plus, donc pour moi, c'est la mort que j'attends là. Mais le Dieu se présente à lui par pouvoir dérogatoire, lui parle, lui dit, non, moi, j'ai une mission pour toi. Donc là, déjà, c'est un exemple qui nous montre que Dieu n'est pas là pour prendre plaisir à la mort de quelqu'un et qu'il peut vous utiliser à n'importe quel âge. Les gens qui ont des espoirs là, les jeunes, les gens de 50 ans, les gens qui ont mon âge, les gens qui ont plus de 60 ans, 75 ans, qui pensaient que la vie est finie pour vous, je dis non. Tant qu'il y a la vie, il y a toujours l'espoir. Bref, ce monsieur, dans sa tête, il savait bien que la prochaine étape, c'est la mort. Pourquoi? Parce que c'est naturel. Il a vécu sa vie. Il a connu toutes les femmes de sa vie. Il se retrouve avec Sarah, qui ne fait pas d'enfant. Et là, la Bible est muette. On ne nous dit pas ce qu'Abraham a fait comme vie, les petites nanas et les copines qu'il avait, ou les femmes, les maîtresses, de zéro, enfin pas zéro, de l'âge de 19 ans jusqu'à l'âge de 99 ans, on ne nous dit pas. On nous parle seulement de Sarah. Mais après Sarah, c'est là où on nous parle de la liste de près de combien de femmes là? 14 femmes qu'il a eues, selon le livre des Chroniques et le livre de la Torah. Parce qu'il a fait toute une lignée d'enfants. C'est que je vous dis, vérifiez cela à partir du Genèse chapitre 14, 15 jusqu'à 23. Vous verrez l'histoire là, c'est bien détaillé. Bref, la mort, retenez ceci, la mort dans ce cas bien précis, c'est tout simplement un cycle normal. Et qu'après que vous ayez joui, je ne sais pas quel est le mot, c'est-à-dire après avoir vraiment bien, et bien, vous avez bien fait votre vie en un mot, vous avez bien vécu, et que le moment est venu, le corps physique étant fatigué, c'est tout à fait normal. C'est là où la mort intervient, qui est tout simplement un phénomène de transition. Maintenant, Dieu, à la question qui a été posée avant de parler de la responsabilité, puisque c'est sur cette question que j'allais développer, Dieu n'a aucun rapport avec quelqu'un qui meurt prématurément ou bien quelqu'un qui est frappé. Parce qu'on a toujours dit que la mort fait partie de la vie. Et ça, je partage cet avis. La mort fait partie de la vie. La vie avec grand P, avec grand V autant pour moi. C'est la mort et la vie, parce qu'ils vont ensemble. Parce que quand on s'initie, on meurt également, c'est la seconde mort. Et après, on ressuscite, la résurrection spirituelle, voyez-vous. Maintenant, quelle est la responsabilité? Abraham, il a eu le soutien. Donc, la responsabilité de Sarah, d'abord qui se moquait de ce mec, mais la responsabilité de Sarah, la responsabilité des enfants qu'il a eu autour de lui, était de rendre cet homme-là heureux. Est-ce qu'Abraham ne tombait pas malade? La Bible ne vous en parle pas. Si. Il y a des moments où il tombait malade. Oui, Mais il était soutenu par la famille. La famille avait une responsabilité de pouvoir participer à sa guérison, de pouvoir participer à son épanouissement, à son bonheur. De manière générale, aujourd'hui, nous voyons des gens qui meurent et arrachés de leur prématurément. Et là, on met le blâme sur Dieu. Moi, je dis non, parce que nous avons une part de responsabilité. Pourquoi? Quand cette jeune femme, quand ce jeune homme, ou bien quand ce papa luttait entre la vie et la mort, il tombe malade, il demande secours. Est-ce que vous avez répondu à cet appel? Ça nous rappelle l'histoire de Monsieur et David dans la Bible toujours. David, les gens l'ont pris de fou lorsque son fils, vous connaissez l'histoire du fils qu'il a fait avec la femme du général qu'il est allé faire tuer avec le mauvais cœur, mais on nous dit bien que tout se paye ici-bas. Cet enfant qui va coucher avec la fille qu'il a fait avec une autre femme, alors qu'elle était même mère, même père, avec l'autre frère, ce qui explique la division du royaume à l'époque d'Israël. Donc, le cas précis de David. Mais c'est la même chose. C'est que la responsabilité, nous sommes responsables de ce qui peut arriver. La responsabilité va où? Le parent est malade, assistez-le. Maintenant, si vous ne pouvez pas, la deuxième responsabilité, mais quand quelqu'un est malade, vous partez à l'hôpital. La responsabilité des médecins, des infirmiers à l'hôpital, c'est de s'assurer que toutes les conditions sont réunies pour pouvoir donner la vie. Parce que donner la vie veut dire quoi? La personne est malade, on ne sait jamais que derrière cette maladie, il y aura une coupure. C'est-à-dire que l'âme peut se désintégrer du corps physique. L'âme qui est la partie divine qui est en nous. C'est-à-dire que notre esprit peut sortir si, à un moment donné, on est trop stressé, si on voit autour de nous qu'il n'y a pas d'amour, la déprime, l'anxiété. Donc, tout ceci, les hallucinations, peuvent faire en sorte que non, moi, je ne veux plus parce que les gens là, mes parents ne m'aiment pas. Voilà une part de responsabilité où nous qui sommes parents, amis et connaissances, autour de cette personne-là, on doit s'assurer qu'on l'entoure d'amour. Souvenez-vous, j'ai parlé de l'amour. Je n'ai même pas développé le côté de la justice, ni de la puissance, ou encore de la paix. Parce que ces quatre vertus-là, amour, puissance, justice, paix et puissance, vont de pair avec la vie. Quand vous marcherez avec ces quatre éléments-là, Dieu ne peut pas vous arracher n'importe comment auprès des vôtres. Pardonnez-moi. Donc, la responsabilité, elle continue. Les médecins vont s'assurer qu'ils ont tout ce qu'il faut pour pouvoir sauver la vie de ce mec. Pourquoi on utilise le mot sauver? Quel est le rôle? Moi, je suis dans le corps médical également, bien que tu en as la psychiatrie. Quel est le rôle du médecin? Quel est le rôle de l'infirmier? Quel est le rôle de l'assistant? Quel est le rôle du cuisinier à l'hôpital? Quel est le rôle de celui qui balaye? Vous voyez, il y a toute une chaîne qui est là. C'est pour s'assurer que quiconque est interné ou hospitalisé là-bas puisse recouvrer, puisse retrouver son bonheur. Mais c'est notre responsabilité. Au niveau des gouvernants, vous, les gens qui gouvernent, les gens qui sont au pouvoir, ils ont une grande part de responsabilité. La grande part de responsabilité, comme vous le savez, il y a quatre piliers dans la vie. Il y a la santé, il y a l'éducation. Je répète, la santé, l'éducation, le social et la justice. Ça sont les quatre piliers que j'ai développés dans mon livre La vision de Monsieur Onouvier pour Gabon 2025. Ça, c'est quand je rêvais à vouloir un jour participer dans les mouvements politiques, mais ça ne m'intéresse plus. Quand vous avez donc ces quatre piliers-là, tout gouvernement, ici aux États-Unis, nous n'avons que neuf ministères. Nous avons seulement neuf. Il n'y a que neuf ministères ici-là. Pour 300, presque 40 millions, donc le nombre exact, pour 338 millions d'habitants aux États-Unis, nous n'avons que neuf ministères. Voyez-vous? Mais M. Moréau nous vient, lui, il parle de quatre. Ce sont ces quatre ministères qui sont les ministères clés. L'éducation et surtout, numéro un, la santé. Voilà pourquoi dans certains pays, on doit payer, je crois que c'est la Norvège, l'enseignant gagne plus qu'un ministre. Oui, je le répète à haute voix, l'enseignant gagne plus qu'un ministre. Pourquoi? Parce qu'ils veulent mettre les conditions pour faire en sorte que la personne là ne perde pas son âme. Parce que quand vous allez voir le salaire que vous avez, ça peut vous amener à la mort. Donc, la responsabilité du gouvernement. La responsabilité des hommes politiques, c'est de s'assurer qu'il y a toutes les conditions adéquates pour, surtout les conditions sanitaires, les hôpitaux. Voilà pourquoi je vous ai dit sur ma vision du Gabon, sur les quatre, la santé, c'est la première des choses. S'assurer que toutes les neuf provinces, je prends le cas de mon pays, le Gabon, Toutes les 9 provinces, on doit avoir des, comment on appelle ça, des hôpitaux, on doit avoir des dispensaires dans les villages, on doit avoir des infirmiers qui sont assignés, et leur salaire ne doit pas être coupé. Les médecins doivent être à l'aise, ils doivent avoir des logements, ainsi de suite. Ce n'est pas un rêve. Un pays comme le Gabon, le mien, c'est le premier pays le plus riche de l'Afrique, j'ai appris, après l'autre pays qui a Calboigné, là. Voilà. Avec ceci, vous pensez que les gens vont mourir n'importe comment. Donc, il y a une responsabilité également au niveau de ces mecs-là. Deuxième responsabilité. Parce que M. Magnania m'insulte tous les jours. Parce que M. Magnania a commis l'adultère avec ma femme. Parce que M. Magnania, n'est-ce pas, m'a insulté sur les réseaux sociaux. Parce que M. Magnania était ceci ou cela. Alors, au moment où M. Magnania tombe malade, moi, je suis le ministre de la Santé. Maintenant, je commence à être jaloux. Je donne des consignes aux gens. Non, non, non. Ce mec-là, il m'a tellement insulté. On appelle ça le mauvais cœur. Maintenant, qu'est-ce que Dieu y a à voir? Le ministre donne des consignes aux médecins. Ou bien les gouvernants. Parce que ça arrive. Hein? On a vu des cas comme ça. Parce que quelqu'un vous en veut. Le fait que vous étiez son ennemi. Et il ne l'oublie pas. Alors, vous comprenez pourquoi je dis que ce n'est pas vraiment la religion qui donne la sagesse. Parce que si réellement on enseignait la sagesse dans les religions, les gens qui sont ministres, les gens qui sont présidents, les gens qui sont députés, ceci, cela, les gens qui sont des médecins, mais chacun appartient forcément à une obédience religieuse. Donc la religion ne va pas éveiller votre esprit, c'est ce que je veux dire. La véritable sagesse ne vient pas de ces milieux-là. La preuve en est que, je vous dis la réalité, j'ai vu ça dans beaucoup de pays, surtout les pays d'Afrique. Parce que quelqu'un, un bon matin, vous a fait du mal de par le passé. Vous allez l'en vouloir. Et quand cette personne tombe malade, ah, en tout cas, c'est qui? C'est elle. Oh, laissez-le mourir. Moi, je n'ai rien à foutre. Ce que je vous dis, c'est arrivé. Donc, les gouvernants, tout, ça part de la pyramide supérieure, comme je l'ai dit sur ma page Facebook, jusqu'à la base, vous, les parents, vous avez une grande responsabilité pour contribuer à la vie de ce mec et pour contribuer à la mort. Parce que c'est cela, le premier assassin de votre vie, votre premier assassin, c'est d'abord vos parents, c'est d'abord vos amis, la personne qui mange avec toi tous les jours, la personne qui sourit avec toi, la personne à qui tu as donné toute ta confiance. Voilà le premier assassin. Le gouvernement qui te dirige. Un jour, tu es venu porter conseil, plutôt tu es venu porter critique, par exemple. Ah, les choses de ce pays-là, pardon, je ne veux plus parler. C'est comment? Mais regarde ce que tel ministre a fait. Le fait que vous le dites, voilà, vous êtes devenu un ennemi. Vous êtes devenu un ennemi public. Maintenant, vous tombez malade, n'osez pas le malheur ou la malchance de tomber malade. Parce que quand vous allez tomber malade, même un simple comprimé qu'on devait vous donner pour atténuer des céphalées, on ne vous le donne pas. Maintenant, ça va s'empirer, ça va s'empirer, jusqu'à ce que vous mouriez à petit feu. Après, on dira que c'était la volonté de Dieu. Donc, vous comprenez pour le sens de mon message? J'ai dit non! Dieu n'a rien à foutre, Dieu n'a rien à voir. Dieu, dans son plan, il a un projet de bonheur pour vous. Lui, il veut que vous viviez heureux. Il n'a rien à foutre de vous voir vivre malheureux. C'est faux. Dieu n'a jamais voulu la mort de quelqu'un. Je vous ai parlé seulement de M. Abraham, mais il y a bien d'autres exemples que je peux vous donner. David, vous savez tout le désordre qu'il a fait? Il a tué son général pour pouvoir prendre la femme du général, parce que cette femme-là, il paraît, elle avait une beauté énorme. Donc David, jour et nuit, ne rêvait que d'être sur la poitrine de cette dame-là. Et à la fin de fin, il est allé pousser les gens à aller tuer le général. Mais il a fait un enfant avec cette femme. Est-ce que vous savez que c'est cet enfant qui est à l'origine de la division de la terre palestinienne que vous voyez là? Oui, l'histoire est là, les archives sont là. Maintenant, quand il avait 80 ans, il y a des vieux papas là qui lui amènent les jeunes filles de 18 ans. Mon roi David. Le mec à 80 ans lui amène une jeune fille. Le type dit, mais écoutez, je ne suis plus à ce niveau-là. Je pense à ma vie. Je pense maintenant à la tombe. Je pense, au troisième cycle de ma vie. Mon Dieu, qu'est-ce que j'ai fait? Ça, c'est le grand moment de recueillement. Allez-y lire les psaumes 53, 55. Vous verrez, il fait des confessions là. Et le mec, il a 80 ans. Il commence à faire ses confessions. Les vieux disent, oh, mais le type, parce que dans leur tête, ils se sont dit que non, il va encore aimer les petites. Mais non! À un moment donné, dans la vie, on change. Mais David l'a reconnu. Souvenez-vous de mes propos du début, qu'il y avait un ancien chef d'État africain qui avait dit, Dieu ne nous a pas donné ceci. Il commençait à faire des confessions, les gens pensaient qu'il délirait. Mais parce qu'il sentait son jour venir. David a fait la même chose. Et beaucoup de gens le font. Il existe un rite, retenez-le, j'en parlerai dans les forums. Le rite s'appelle le rite de la préparation de la mort. C'est-à-dire comment préparer votre mort pour que vous ne soyez pas surpris. La mort ne fait pas mal. Parlant de ma propre expérience, je vous dis, j'ai connu le coma. Le coma qui est une forme de mort. Parce que c'est fini, vous partez. Les choses que vous vivez là-bas, c'est différent. Récemment, j'ai été hospitalisé. Et quand j'ai été hospitalisé, c'était suite à... J'ai perdu connaissance comme ça. Bien sûr, c'est le COVID. Et ce COVID, donc, m'a causé... m'a bloqué au niveau de mes poumons. Je n'ai jamais souffert de maladies pulmonaires. Mais je vous dis que je ne respirais plus. Donc, respiration coupée. Je me suis retrouvé à l'hôpital. On a commencé à me réanimer. Tout ça, ça se passe, je suis dans l'autre plan. Maintenant, à la fin, on m'a mis sous ventilation. Et quand on me met sous ventilation, c'est de tenter de me ramener à la vie. Et ça, dans beaucoup de pays en Afrique, il paraît, il y a certains pays de grande puissance, la Chine, les États-Unis, ils ont fait des dons de ventilation, des ventilateurs. Pas un ventilateur, machin, non, non, non. Ça, c'est un système lorsque quelqu'un, par exemple, a des maladies pulmonaires. Parce que cette maladie du COVID détruit, tue quiconque a des conditions médicales au départ. C'est-à-dire que si au départ vous êtes diabétique et que le COVID vient vous frapper, la mort est là à la porte. Si au départ vous avez des maladies pulmonaires ou quoi, je ne sais pas, ou les conditions de vie, peut-être que vous étiez en prison. Et là où vous étiez en prison, on vous a empoisonné. Ou bien vous étiez torturé. Ou bien les odeurs des caca, pardonnez-moi, et des urines. Moi, j'ai fait la prison. J'étais en prison à Gamba pour une affaire fausse qu'on a mis sur mon dos. Donc, j'ai vu comment les gens vivaient. Vous chiez sur place, vous mangez à côté, l'odeur des urines, l'odeur des excréments. Ce sont les prisons que moi-même j'ai visitées au Gabon. Mon petit frère, à la prison centrale de Port-Gentil, vers le château, j'ai été visiter ça. Je vous dis, tout est sur place. La prison centrale de Libreville, j'ai des frères qui étaient là-bas. Donc, les conditions de vie dans ces milieux-là peuvent contribuer à d'autres maladies que vous ne pouvez pas maîtriser. Par exemple, les maladies pulmonaires. Vous savez, les poumons sont très sensibles. Voilà pourquoi quand on parle des techniques de respiration, il faut éviter de faire les techniques de respiration n'importe où parce que vous allez respirer n'importe quoi et vous allez vous asphyxier et tomber malade. Je vous signale que l'organe le plus sensible, ce sont vos poumons. Je le répète, l'organe le plus sensible, ce sont vos poumons. Donc, votre humble serviteur, j'ai été frappé et mes poumons ont pris un coup. J'ai craché jusqu'au sang. Aouh! Et on m'a mis sous ventilation. Après la ventilation, je ne vais pas vous montrer. Dans mon véhicule, ceux qui sont aux États-Unis savent de quoi je parle. J'ai des bouteilles d'oxygène. On m'a donné 4. Ils ont paniqué. C'est avec moi dans le véhicule. Ils me disent, non, faut garder ça, on ne sait jamais. Mais je ne les utilise pas. Ils m'ont donné, vous avez vu l'appareil sur ma vidéo sur Facebook. Et voilà l'autre appareil qu'on m'a donné. Ceux qui sont du corps médical, vous savez ce que c'est? C'est pour permettre l'ouverture. C'est pour rééduquer vos poumons à mieux fonctionner. Et voilà comment ça marche. Oui, je le fais très fort parce que mes poumons fonctionnent maintenant très bien. Et c'est ça. Ça s'appelle technique de rééducation en vue de ramener vos poumons à une fonctionnalité normale. Si, c'est pour éviter que vous attrapiez une maladie pulmonaire après le traitement. Maintenant, si vous avez une maladie pulmonaire et qu'on réussit à vous ressusciter, c'est-à-dire vous sortez de là, on vous met sous exsonation, vous avez ma vidéo, on m'a mis de l'oxygène. On m'a mis des tuyaux, maintenant je respire par les machins pour me permettre d'avoir l'oxygène dans mon sang. Parce que si on n'a plus d'oxygène dans le sang, il n'y a plus la vie. Vous êtes carbonier. Donc, voilà l'appareil qu'on m'a donné. Voilà, c'est ça. Ceux qui sont du corps médical savent ce que c'est. Est-ce que vous avez ça? Je ne sais pas si ça existe en Afrique. Normalement, quand vous sortez d'un coma ou bien quand vous aviez des problèmes d'oxygène hein, ou de quoi, c'est ça là qu'on doit vous donner pour vous rééduquer. Je le fais. Je monte à plus de 2000. Ça veut dire que mes poumons sont bons. Donc, c'est cet appareil-là que les médecins m'ont donné. J'ai dit, mais vous ne voulez pas répondre, mais tu as déjà mis ta bouche dedans, donc garde pour toi. Ça, c'est des exemples. C'est la responsabilité du corps médical de s'assurer que le type, même s'il est sorti de l'hôpital, il faut qu'on le suive. Voilà, l'appareil qu'on m'a donné, que je sois suivi. Je n'ai plus besoin de ça. Parce qu'ils m'ont dit, dès lors que je pompe au-delà de 1000, c'est que mes poumons fonctionnent bien. J'aspire, et c'est l'air, cet appareil-là. Quand je fais ça, c'est l'air qui rentre dedans. Ouais. Et moi, je monte jusqu'à à 2300 là-bas. Ils m'ont dit, non, c'est bon. Ça, mais pour moi, je n'ai aucune maladie. Mais moi, je vous dis, quand le corona m'a frappé, c'est ça m'a attaqué ici. Chez d'autres, c'est les douleurs. au niveau du corps, tout le corps fait mal n'importe comment. Mais la responsabilité de cet hôpital, je vous ai dit, la facture était près de 24 millions, je voulais dire 24 000 dollars, équivalent de 13 millions, moi-même, de ma poche, 24 000 machins. Je peux, je sais pas, attendez, je vais vous montrer. On a fait ce qu'on appelle un arrangement. Je dois payer 3 000 dollars. Le reste, mon assurance a tout payé. Voyez-vous? Parce qu'ils savent que c'est leur responsabilité. Chaque fin du mois, on me retire pas moins de 310 000 francs CFA. L'État de l'Ohio retire près de 310 000 francs CFA à raison de 170, 10 000, l'équivalent de 600 et quelques dollars par mois pour mettre de côté pour ma santé. Ça, parce qu'ils savent. Ça, c'est leur responsabilité. Donc, on a fait un arrangement avec l'hôpital. L'hôpital m'a envoyé la facture. Ils m'ont dit non. Tu ne vas pas payer tous les 3 000 dollars. Tu peux payer un peu, et il n'y a pas des intérêts. J'ai dit, OK, il n'y a pas de problème. Ils me comprennent. Ils savent que j'ai des parents au pays, que je dois envoyer de l'argent, c'est cela. Maintenant, je veux payer Bachel à 3 000 dollars. Ça a commencé comment? Parce qu'ils savent leur responsabilité face à la mort. Ils savent que la mort, il faut la prévenir. La mort, il faut l'éviter. Que ça n'a rien à voir avec Dieu. Pour conclure que nous-mêmes, nous sommes responsables de la mort des gens. Je peux dire à près de 60%. C'est-à-dire, quand je dis nous-mêmes, nos parents, nos amis, nos gouvernants, tous ceux qui sont autour de nous, ce sont eux qui contribuent à notre mort. Parce que le mec sur le lit, vous commencez à lui dire, les gens, bon, la facture va être 3 millions. Mais vous pensez que ça fait plaisir? Et les parents sont là avec les larmes qui coulent. Et des larmes sincères, pas des larmes de crocodile. La femme entend cela. Le père, l'oncle, ils entendent ce genre de nouvelles. On fait comment? Donc, vous comprenez pourquoi j'ai dit votre part de responsabilité? Nous avons une grande part de responsabilité sur la mort. Dieu n'est pas là-dedans. Dieu a donné des principes immuables. Dieu, tout ce qu'il a fait est parfait. Ah oui. Pour ce qui est de la vie avec un grand V, il a dit mort et vie, cycle normal. Mais il faut d'abord jouir de ta vie. Il faut que tu sois satisfait. Il faut que tu sois très content. Et tu peux avoir les belles femmes, tu peux manger la belle nourriture. L'essentiel, que tu ne violes pas mes principes. Tu ne dois pas faire du mal aux autres. Souvenez-vous, je vous ai donné un enseignement il y a quelques jours. Les trois, c'est sur ma page Facebook, non pas sur ma page Facebook, sur mon compte Facebook. Trois choses qu'il faut éviter de faire. Adorer Dieu, quelle que soit l'obédience, quelle que soit là où vous vous trouvez. Chrétien, continuez à adorer votre Jésus. Moi, je ne vais pas vous dire d'aller brûler les Bibles. Moi, je suis branché dans la tradition, j'ai mes propres expériences. Et ce n'est pas une raison pour vous de venir me dire que moi, ma tradition est diabolique. Non. J'adore le même Dieu que vous. Mais sous une autre forme que vous ne maîtrisez pas. Tout ce que je désire, je l'ai. Aujourd'hui, vous me voyez avec plein d'énergie, même pas moi, quelqu'un qui était dans le coma. Ça arrive comment? Ça commence comment? Mais parce que ce Dieu-là, il est très puissant et il est un avec moi. Et c'est ce qui est écrit dans la Bible. Que Dieu est en moi et je suis en lui. Et Dieu créa l'homme à son image, à l'image de Dieu, l'homme fut créé, pour que l'homme devienne la ressemblance de Dieu. Et quand il devient la ressemblance de Dieu, ça veut dire qu'il devient Dieu. Et Dieu, c'est qui? C'est vous. Mais là, quand je parle comme ça, les religieux vont dire, ton type là devient fou. Donc, laissons ça. Simplement vous dire, premier commandement, premier principe, c'est moi qui parle de ça. Adorez Dieu, quelle que soit votre obédience. Deuxièmement, respectez la vie des autres. Or, le respect de la vie des autres rentre dans le cadre de votre responsabilité sur cette affaire de la mort. Parce que les gens meurent n'importe comment, c'est de la faute de nous les humains. Ce n'est pas la faute de Dieu. Dieu n'a rien à voir. Je vous dis la vérité. Je vous dis la vérité. Pour ça, là, je vais rester avocat de Tetan Mwanga. Je vais rester avocat de Dieu jusqu'à ma mort, comme on le dit, jusqu'au départ de cette terre. Parce que j'ai compris ce grand mystère. En quatre fois, je tombe dans le coma. Vous pensez que si c'était la faute de Dieu, Dieu ne pouvait pas me frapper? Je vous signale que, par exemple, le coma où j'étais à Poligamba avec les histoires de motos, mais j'ai sorti de chez une petite du quartier que je sortais, et j'étais même trois. J'ai parti de numéro un, numéro deux, numéro trois. Mais Dieu pourrait dire, mais toi, tu es un voyou. Tu es allé coucher une femme mariée et tu as sorti deux jeunes femmes là-bas. Bon, je vais te prendre maintenant, je vais te tuer. Dieu pourrait bien le faire. C'est pour ça que moi, je vous dis, Dieu n'a rien à foutre. Parce que Dieu, il vous donne la chance. C'est un Dieu de second chance. C'est un Dieu de deuxième chance. Il vous accorde toujours, toujours, le temps de pouvoir changer dans votre vie. Et il n'est jamais trop tard. Chacun de nous, à un certain âge, vous commencez à opérer des changements. Arrêtez de faire le désordre, détourner les fonds publics, continuez à avoir la haine. Parce que quelqu'un, être opposé à vos idées. Parce que quelqu'un vous a critiqué. Parce que quelqu'un a fait ceci et vous vous gardez ça dans votre tête. Maintenant, vous dites, oui, on va se retrouver. Les montagnes ne se croisent pas, non? On va se retrouver un jour. Maintenant, il se retrouve sur le lit de l'hôpital et vous regardez, vous dites, ah, c'est toi qui m'insultais jour et nuit, non? Laissez-le mourir. Ça s'appelle le mauvais cœur. Et là, vous avez une grande responsabilité. Et les pauvres gens sur les réseaux sociaux, partout, ils vont dire, oh, que c'est la volonté de Dieu. Que la volonté de Dieu soit faite, c'est Dieu qui a voulu. Dieu n'a jamais voulu la mort de quelqu'un. Et ça, je vous le signale. Dieu a toujours voulu le bonheur de quelqu'un. Dieu a toujours voulu la vie. Et il nous a créés pour un plan de bonheur, un plan de réussite. Et il nous a créés pour bien jouir de la vie. Et quand je parle de jouir de la vie, ce n'est pas jouir de faire du mal aux gens. Ce n'est pas jouir de voir les autres qui ont des opinions différentes des vôtres et de leur faire du mal. Moi, il y a des gens qui viennent me traiter de tous les noms d'oiseaux ici, mais je suis un homme sage. Je sais, mon rôle, c'est de motiver, même si je ne parle plus bien le français. Mais je maîtrise mieux l'anglais que le français. Je maîtrise mieux mon gallois que le français. Ma première langue est le gallois. Et l'anglais est ma deuxième langue, le français devient troisième langue. Mais quand même, vous pouvez me comprendre dans ce que je dis, vous comprenez mon message. Ce n'est pas un message de haine, hein, mais c'est un message de sensibilisation. Que pour ce qui est de la mort, Dieu n'a rien à voir avec la mort de quelqu'un. Dieu n'est pas responsable. Dieu n'est pas un assassin. Il n'assassine pas les gens. Mais il vous attend au carrefour. C'est tout. C'est là où il y a la loi du karma. Parce qu'un innocent, quelqu'un qui n'a rien fait, qui a fait que du bien dans sa vie, il a aussi son karma à payer. Mais n'allez pas dire que non, il est mort là parce que c'est Dieu qui a frappé. Non, Dieu n'est pas là pour tuer quelqu'un. C'est vrai que Dieu, celui que vous appelez Dieu, qu'on a choisifié Dieu, dont le nom est imprononçable et seuls les initiés connaissent ce vrai nom-là. Voilà, c'est son nom, ça se prononce dans le silence, mais on l'appelle Tetan Mwanga, on l'appelle Tetan Zambé, on l'appelle Dieu, Jéhovah, vous le prononcez comme vous voulez, selon l'opinion populaire. Celui-là, que vous appelez comme ça, là, il n'est pas un assassin. La preuve en est que vous faites des bêtises tous les jours. Enfin, pas vous, moi y compris. Nous faisons des bêtises tous les jours. Mais nous ne faisons pas des efforts de changer. Nous ne faisons pas des efforts de nous améliorer. Il nous manque de sagesse. Vous comprenez? Nous avons une grande part de responsabilité. Notre part de responsabilité, c'est de s'assurer que les autres aient également accès à la vie. Notre part de responsabilité, c'est de s'assurer que nous ne contribuons pas à la mort de notre frère, à la mort de notre compatriote. Quelqu'un va vivre dans un pays étranger sans bourse. Comment quelqu'un, il vit tranquillement avec sa femme, c'est pas parce qu'il n'est pas pauvre, mais il a une belle femme, mais toi, tu continues toujours à proposer des millions à la femme de ce mec-là. Pourquoi? Parce que vous voulez contribuer à la mort de cet homme. Ne saviez-vous pas que le stress est l'un des, je crois, le quatrième contributeur à la mort? Oui, la déprime, l'anxiété. Quatrième sur le rang mondial. Les gens se suicident. Parce que vous jouez avec la femme du type. Moi, je ne veux pas me suicider. Il y a beaucoup de femmes, moi, je n'ai rien à foutre. Mais pour vous dire que vous contribuez à la mort des autres. Voilà votre responsabilité. J'attends vos questions dans les forums. Une remarque, je constate que les gens viennent faire des commentaires parfois sur mes vidéos. S'il vous plaît, abonnez-vous. C'est dans les forums là-bas qu'il faut venir faire des commentaires. Que voilà, vous avez sorti telle vidéo, mais il y a eu telle chose. Je ne suis pas d'accord ou bien. Vraiment, je vous remercie. Est-ce que quand vous voulez poser des questions, ne posez pas la question sur la vidéo. Et puis, de dimanche jusqu'à mardi, s'il vous plaît, ce sont mes jours de silence. Mais combien de fois je vais répéter cela? Je répète, de dimanche jusqu'à mardi, je ne parle pas. Ce sont mes jours de silence. Donc, évitez, respectez un peu ça. Alors, quand vous avez des questions sur ce que je dis là, par exemple, rentrez dans le forum. C'est dans le forum qu'il faut poser la question. Mais sur votre sujet là, Dieu n'est pas responsable de notre mort et que nous avons une responsabilité. Mais moi, je ne suis pas d'accord. Voici. Et on débat ça dans les forums. C'est ça le but des forums, s'il vous plaît. Parce que quand vous venez poser des questions ici, là, sur la vidéo, mais je vais passer encore à répondre, à écrire. Est-ce que vous pensez que je n'ai que ça à faire, mon Dieu? J'ai des milliers de gens que je suis à gauche, à droite. Je travaille. Bon, là, pour le moment, ils m'ont dit non jusqu'à 3 mois, mais je me suis entêté parce que moi, gagner seulement 60%, 70%, c'est quoi ça? Les 30%, là, je vais faire comment pour m'occuper de la famille au pays? Donc, j'ai dit, je vais travailler, mais travail limité. Et même quand c'est travail limité, j'ai aussi d'autres choses. Je suis plongé dans des dettes en ce moment-là pour l'absence d'un mois sans avoir fait rentrer de l'argent. Aux États-Unis, quand vous travaillez, l'argent rentre. Mais quand vous ne travaillez pas, l'argent ne rentre plus. C'est ça qu'il faut comprendre. Nous ne sommes pas, je ne sais pas où. Et pourtant, je suis fonctionnaire. Oui, bon, ils ont trouvé des voies et moyens pour pouvoir me balancer mon salaire. Mais à la fin, ils m'ont rattrapé. Ils me disent, non, nous, on va sacrifier tes congés. Je dis, alors que je dois voyager là dans quelques semaines. Bon, prenez mes jours maladie. Ils ont pris toutes mes heures maladie. Et mon personal time, je ne sais pas comment vous appelez ça en français. Le personal time, donc vos heures à vous personnelles qu'on vous donne. On a droit à 4 dans l'année. Je crois 4 ou 5 jours qu'on vous donne le cadeau pour pouvoir vous reposer en dehors des jours maladie, en dehors des congés. Bref, donc, s'il vous plaît, quand vous posez des questions, allez-y les poser dans les forums. C'est pour cela que les forums ont été créés. C'est là-bas où je vais vous répondre. D'accord? Ne posez pas des questions en dessous des vidéos là. Vous pouvez faire vos commentaires, mais quand il s'agit de questions, veuillez me les poser là-bas. Parce qu'à un moment, je suis gêné. Vous posez des questions fondamentales sur la vidéo, mais je ne peux pas répondre là. Sinon, je vais faire tout un discours et ce n'est pas mon rôle ça. Et je ne peux pas être à la fois partout, partout, partout, partout. Non. Je suis présent dans les forums 24 heures sur 24. Ça, je vous l'informe. 24 sur 24. C'est-à-dire qu'à chaque fois que vous posez une question, là, je reçois des alertes. Dans les 4 forums, là, plus de 2000 que vous êtes, quel que soit, ceux qui sont en ligne, ceux qui sont en train de draguer les pauvres mamans ou les machins, tout cela, j'ai des alertes. Bon, je ne suis pas votre espion, mais pour vous dire que c'est là-bas où vous pouvez me poser des questions, automatiquement, je vous répondrai. Si c'est un jour de silence, c'est mon fils qui va vous répondre. Mais si ce n'est pas un jour de silence, je vais répondre. D'accord? Merci. Que Tétan, mon gars, vous bénisse. Parlant de machin, là, je dois aller à mon dojo, je dois aller faire mon karaté. Je suis même déjà en retard. Quelle question. Pouvez-vous nous parler de l'arbre de la mort? Oh, vous venez parler de l'histoire de l'arbre de la mort. Allez-y lire le livre de la Kabbale, s'il vous plaît. Lisez le livre de la Kabbale, l'arbre de la connaissance du bien et du mal. On vous parlera de ça. Écrit par Séphira. Séphira, Yesel, je crois. Ouais, je ne peux pas. Ça fait l'objet de notre enseignement. Ça fera l'objet de notre enseignement, d'accord? Je vais vous parler de ça, l'arbre de la mort, si vous voulez. Voilà, oui. Merci beaucoup. Donc, il n'y a plus de questions. Vous avez tout compris. Merci. Oui. Merci beaucoup. Merci. Que Tétan Mwanga vous bénisse. D'ici là, portez-vous très bien. Alors, si ce que j'ai dit, ça a offensé certaines personnes, veuillez me pardonner. Je parle ici sous inspiration et je parle aussi pour motiver. Bon, maintenant, des fois, je peux dire le mot sans le. Je peux blesser quelqu'un sans le savoir. Je vous demande pardon. Mais si ce que j'ai dit, ça vous a intéressé, pour ceux qui ne sont pas abonnés, abonnez-vous. Abonnez vos parents, abonnez vos amis. Invitez-les pour venir suivre les choses ici-là. Je vous avais dit, je ne vais plus donner trop des enseignements sur les rites, sur la magie, sur la sorcellerie, sur cela, parce qu'on a plus de 407 vidéos étudiées. Mais si je fais cette intervention-ci, c'est sur une question très fondamentale qui me choque, parce que j'ai perdu beaucoup des amis à moi, des gens qui m'étaient proches, mais. Les messages que je reçois, oh non, c'est Dieu, Dieu, Dieu. Et moi, vous savez, je suis un défenseur, avocat de Dieu. Voilà pourquoi vous voyez le titre. Hein? J'ai changé le nom de ma chaîne. Ça s'appelle comment? L'élu de Tétan Zambé. Donc, je serai toujours son avocat. Sur Facebook, on dit quoi? Le guide inconnu de Tétan Zambé. Donc, je suis là toujours en train de promouvoir la défense du Dieu suprême. Je n'accepterai pas qu'on raconte des insanités sur lui. Il a tout fait parfait et tout est là, tout fonctionne comme ça, sur le principe du bien et du mal. Donc, merci encore. Merci, merci beaucoup. Merci, merci. Merci, merci. Et merci encore, le groupe Baobab France pour le travail que vous faites. Merci beaucoup. Bonne journée, bonne soirée.